الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الإمام المجدد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن زيارة القبور فيقول زيارة القبور ثلاثة أنواع. Donc, le grand savant, l'imam Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il nous parle d'un sujet qui est très important et qui rentre dans la croyance du tawhid. Il nous parle de la visite des tombes. Et c'est un sujet qui est très important, car beaucoup de gens sont tombés dans l'innovation, beaucoup de gens sont tombés dans le shirk. Ayyadan billah. Et c'est pour cela que les savants de l'islam, ils ont insisté pour éclaircir ce qui était valable lorsqu'on visitait une tombe et ce qui n'était pas valable, ce qui nous faisait tomber dans l'innovation et pire encore dans l'associationnisme, dans le shirk. Ayyadan billah. Et c'est pour cela que le shirk ici, rahimallah, il va éclaircir, il va faire le point sur les différentes catégories de ziyarat al-qubur. Il nous dit an-naw' al-awwal mashru'un wa matlub. La première, c'est celle qui est légiférée, c'est celle qui est demandée. Elle est légiférée li ajli ad-du'a'i lil amwati wa tarahhumi 'alayhim. Na'am, elle est légiférée car lorsqu'on visite la tombe, on invoque pour le mort, lil amwat ou pour les défunts et pour implorer la clémence et la miséricorde d'Allah Azzawajal sur eux. Donc ici, on invoque pour eux, l'île à moite. Et donc lorsqu'on invoque pour les morts, c'est pour leur intérêt. Et on n'invoque pas ici, bil à moite, invoqué par les morts. Et ça, c'est une grande différence. C'est la différence entre la bonne croyance et la mauvaise croyance ici, de dire, ad-du'a bil à moite, c'est-à-dire d'invoquer par les morts, en passant par les morts, c'est-à-dire en prenant comme intermédiaire les morts, et entre invoquer pour le mort, dans l'intérêt du mort. Il y a une grande différence. C'est la différence entre le tawhid et le shirk ici. Donc, c'est un point fondamental à connaître et à enseigner à nos proches. Il nous dit également, « Wa matloub », elle est demandée, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous a demandé de visiter les tombes. Et pourquoi? Et c'est ce que nous cite ici le shirk, « Wa li ajri » تذكر الموت والإعداد للآخرة. C'est-à-dire afin de se rappeler la mort et donc de se préparer pour l'akhir, de se préparer pour l'au-delà. Ça nous rappelle que la mort, elle est proche, qu'elle arrive à tout moment et que ceux qui sont dans les tombes, c'est fini. Ils ne peuvent plus faire d'actes. Tout a été écrit et donc ils ne sont plus qu'en attente de leur jugement. Les actes ont été écrits. Cette vie qui est celle de l'acte est terminée et la rétribution reste à venir. Donc la première catégorie, mashrou' wa makloub, elle est légiférée, elle est demandée, invoquer la clémence d'Allah Azzawajal pour le mort, demander la miséricorde pour lui et nous rappeler donc la mort, nous préparer pour l'au-delà, wa hadha makloub, et ça c'est demandé pour le musulman. النوع الثاني لا دوزيام كاتيغوري ان تزار للقراءه عندها او للصلاه عندها او للذبح عندها فهذه بدعه ومن وسائل الشرك. لا دوزيام كاتيغوري سي سيل ici qui n'est plus permise, qui n'est plus légiférée, qui n'est plus demandée. C'est celle qui rentre dans l'innovation. C'est celle qui mène au shirk. Et cette visite, c'est lorsqu'on l'a fait pour lire du Coran auprès de la tombe, ou pour accomplir des prières auprès de la tombe, ou pour égorger auprès de la tombe, en croyant ici qu'il va avoir une baraka ou autre. Donc tout ceci, c'est une innovation. Et le shirk, il insiste, « min wasa il est shirk ». C'est ce qui amène au shirk. Car demain il fait cela, et ensuite, lorsqu'il a emprunté la voie de l'innovation, alors en s'éloignant de la religion par cela, il est en proie au shaitan qui à tout moment peut lui insuffler de faire pire que cela et donc de passer à l'étape suivante et qui est donc le shirk. Et nam, la première étape, minwasa, il est shirk, ce qui mène au shirk. Et la seconde étape, c'est ce qui nous fait tomber dans le shirk. Et c'est ici donc un nor salif, lorsque à ce moment-là, il passe à cette étape, et lorsque il fait ce que le shirk va nous citer, an yazuruha lizabhi lilmayyit, wa taqarrubi ilayhi bidhalik, au lidua ilmayyit min dunillah, أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبر نسأل الله العافية فيجب الحذر من هذه الزيارة المبتدعة ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا. Et donc la troisième catégorie, c'est de visiter les tombes pour égorger pour le mort. L'ilmeyit ici, pour le mort. L'izabhi, l'ilmeyit, d'égorger pour le mort, de faire un sacrifice pour le mort, de se rapprocher de lui, ayadan billah, ou d'invoquer le mort en dehors d'Allah, ou de demander l'aide du mort, de demander le secours du mort. Et ça, c'est le grand shirk. Ash-shirk wa hadha shirkun akbar. Et ça, c'est le grand shirk. Celui qui fait sortir de l'islam, ayadan billah. Il est donc obligatoire de mettre en garde de cela, de cette catégorie de visite innovée. Et ici, il n'y a pas de différence par rapport à Al-Mad'ou, c'est-à-dire celui qu'on invoque. Que celui qu'on invoque, qu'il soit un envoyé, un prophète, ou qu'il soit un homme pieux, ou autre encore, dans tous les cas, il n'y a pas de différence. C'est le même acte, le même résultat, c'est-à-dire le shirk, al-shirk al-akbar. ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به أو عند قبر الحسين أو البدوي أو شيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم. Et également, il rentre dans cette catégorie, donc la troisième catégorie, ce que font certains parmi les ignorants. Donc le shirk dit bien ici parmi les ignorants. يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجُهَالِ. Donc il les a nommés comme étant des ignorants. Donc ce que font certains parmi les ignorants auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, مِنْ دُعَائِهِ. Lorsqu'ils demandent l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors qu'ils font cela auprès de la tombe de Al-Hussein ou Al-Badawi ou du Cheikh Abdel Qadir Al-Jilani ou d'autres encore. Cela donc rentre dans la même catégorie qui est Noa Salif et qui fait partie donc du grand polythéisme qu'Allah nous en protège. Donc, pour récapituler, la première catégorie, celle qui est valable, celle qui est demandée, légiférée, c'est d'invoquer pour le mort et se rappeler l'au-delà. La deuxième catégorie, c'est de visiter la tombe afin de lire le Coran auprès de cette tombe-là, ou de ces tombes-là, de prier auprès de ces tombes-là, ou d'égorger auprès de ces tombes-là. Cela, c'est une innovation et c'est ce qui mène au polythéisme. C'est ce qui mène au shirk, ayyadan billah. Et ensuite, la troisième catégorie, et qui est donc pire, bien pire que la deuxième, c'est lorsqu'on visite la tombe pour égorger pour le mort, pour invoquer le mort, pour demander l'aide du mort, etc. Et ici, c'est le grand polythéisme. الشرك الأكبر عياذا بالله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على التوحيد الخالص وأن يحيينا عليه إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.